bag in the earth. Ok. Quand j'arrive sur le MIC, cousin, sois sûr qu'il y a danger. Les rages sont enragés, c'est encore sûr que ça va déranger. J'ai quelques tasses qui rappliquent après un coup de fil. J'ai quelques liasses du trafic planqué dans mon jean. J'suis un golden boy, j'rappe sur un milli et j'mets du billionaire boys club. Arrête d'enfoirer, faut l'avouer, qu'est-ce qu'on ferait sans thunes pendant que les MC de merde espèrent percer via iTunes. Non, si le rap est mort, c'est moi qui tue le rap. Si tu crois vraiment fort, ben vas-y cousin, viens t'es. J'suis une machine, j'transforme la beuh en punchline. Appelle-moi le Kahida au volant d'American Airlines. Dans 5 ans major, le défi est lancé. Pour prendre le trône du game, suffirait de niquer Beyoncé. Motherfucker, I'm here. J'suis un millionnaire. Si j'l'aurais pour la mif, je jetterais mon midi on air. Cousin, j'suis bélé, donc je fonce la tête de ceux qui a cru que c'était au luxe, que serait la relève du rap français. J'voulais jouer de gangsta et sortir des punchlines. Mec, on t'a grillé, maintenant on sait que t'es qu'une blague. Oh, ferme ta gueule et teste pas. Moi, j'm'achète une Rolex, toi, tu mets le plein dans ton Vespa. Si les stars auraient jamais rappé, beaucoup auraient galéré, ils auraient dû attendre il faut pour le pomper. Oh, beaucoup trop d'imitations. J'pense que j'ai passé le cap des putains de l'imitation. Et dire que ça les choque un tiss main da White House. J'ai envie de faire dealer de coke, c'est pour Amy Winehouse. Ça parle de Milly, au Luxembourg autour d'un verre. Prévois de bouger en Emirates Air. À chaque fin de tes phrases, mes gars font dire Xerma. Tu te prends pour une racaille parce que t'as des Air Max. Luxembourg, bah ouais, je représente ma zone. J'suis tellement loin, j't'ai déjà dit, j'peux faire des moonwalks. Télécharge ma mixtape flow et rime, c'est ça la raison. Eux sont tellement back pour m'appeler, ils ont pas de réseau. Les rageux sont blasés, comme un petit pont marine reste toujours bien placé. Ils ont voulu test, même les tests, trifle le reste, toujours le best. Et ouais mon pote, je te donnais ça comme Wizzy F.A.